Podcast. La première. La première. 11h midi, le samedi. Bientôt à table. Avec Sophie Mouls. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous pour une heure de gourmandise. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Ça va ce matin? Très bien, on est prêt pour le match tout à l'heure. Ah oui, le match. Allez les diables. Ouais, moi je suis tranquille, les Italiens ont encore gagné hier. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà. Au programme du jour, Carlo, oui. La cuisine des fleurs, saison bénite pour les intégrer dans nos assiettes. Lilas, glycines, coquelicots ou pissenlits. Amusons-nous, nous en parlerons avec une grande spécialiste en la matière. Que nous rejoindrons dans quelques minutes, Amandine Gers, auteure de cet ouvrage « Je cuisine les fleurs, 50 recettes inattendues, que du très très bon et beaucoup de découvertes ». Exactement, Carlo. Carlo, nous fêtons évidemment en ce moment les 70 ans de, en tout cas on commémore les 70 ans de l'immigration italienne en Belgique. Un anniversaire pour se souvenir, mais aussi pour fêter un peuple, une culture qui nous ont influencés. Bah oui, en fait, on ne serait pas là sans ça. Ben Carlo, ni vous ni moi d'ailleurs. Voilà. Il n'y aurait pas d'émission bientôt à table. Il n'y aurait pas de bientôt à table. En effet, alors, on est tellement intégrés qu'on ne reconnaît plus. Évidemment, voilà. Donc cette date anniversaire, Carlo nous invite à nous mettre au diapason de cette cuisine de partage, de cette âme italienne. Et pour nous en parler, nous recevons Angela Panarisi. Buongiorno Angela. Bonjour Sophie. Vous êtes petite fille d'immigrés siciliens venus dans Neuchâtel sous le ciel gris, et vous allez nous raconter vos souvenirs de petite fille italienne, celle qui a pu avoir un petit peu de soleil dans son assiette grâce à cette âme de la cuisine sicilienne en l'occurrence. Voilà les amis, vos questions, vos réactions comme d'habitude sont les bienvenues via le site lapremière.be, et puis on vous attend très très très nombreux sur notre page Facebook, bientôt à table, la première RTBF. Bientôt à table sur la première. La cuisine des fleurs, Carlo, on en parle avec notre invitée du jour depuis la France, Amandine Gers. Bonjour Amandine. Bonjour Sophie, bonjour Carlo et bonjour à tous les auditeurs. Co-auteur de ce livre « Je cuisine les fleurs, 50 recettes inattendues ». On vous a déjà reçu dans cette émission pour nous parler du riz et des plantes sauvages, n'est-ce pas? Donc vous êtes vraiment une amatrice de cette cuisine saine, goûtue et savoureuse. La cuisine des fleurs, Amandine, c'est pas encore très courant dans nos assiettes du quotidien. Non, non. Et puis quand j'ai écrit le livre sur les plantes sauvages, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir y mettre toutes ces fleurs parce que c'est tellement vaste le sujet de la cuisine des plantes sauvages, des fleurs des jardins et des fleurs des champs que voilà. Je suis repartie sur un nouvel ouvrage pour traiter 25 ou 27 fleurs voilà, pour mettre de la joie dans les assiettes et puis aussi des saveurs inédites. D'autant qu'on est en belle saison, là tout fleurit, les jardins sont absolument magnifiques. Ça c'est vraiment la saison idéale en effet, le printemps, et puis ça se prolonge quand même jusqu'à l'automne. On n'est pas du tout dans une saison très très courte comme les asperges par exemple, on peut en profiter plusieurs mois. Ah, il y a une recette d'asperges, on la donnera tout à l'heure avec une jolie fleur, mais je vous en dis pas plus. Ça s'appelle du teasing, hein, Carlo. Oh, ça... Alors, je suis assez étonnée, Amandine Gers. C'est vrai qu'on vend de plus en plus de fleurs aujourd'hui dans certaines épiceries fines, voire dans quelques supermarchés, mais je les trouve horriblement chères. Ah oui, moi aussi. Ça m'est arrivé une ou deux fois de voir dans les barquettes plastiques des fleurs sauvages ou des fleurs cultivées, parce qu'il y a aussi des fleurs qui sont cultivées, qui sont destinées à la vente. Mais franchement, moi, ça ne me tente pas du tout parce qu'elles sont pas forcées, enfin, elles sont pas aussi fraîches que celles qu'on ramasse. Et puis, donc, elles ne sont pas appétissantes à mon goût. Et en effet, elles sont hors de prix. Alors, on va c'est un peu un truc de luxe et qui s'éloigne de très loin de la philosophie de ce que vous voulez nous transmettre, Amandine. Ah oui, complètement, parce que moi c'est une ode à la promenade et à la cueillette, et donc la promenade en supermarché ou en épicerie, c'est pas trop le but. Alors effectivement, est-ce qu'on peut s'improviser cueilleur de fleurs en quelques petites balades? Est-ce que c'est suffisant pour s'initier à cette cueillette? Parce que j'imagine qu'il y a des toxiques, comme les plantes sauvages d'ailleurs. Oui. Je dirais que pour les fleurs, oui, c'est beaucoup plus facile que pour les plantes sauvages, parce que la plupart, on connaît quand même beaucoup de fleurs, et dans le livre, je traite à la fois des fleurs des jardins, et de certaines fleurs qu'on peut trouver plutôt à l'état sauvage. Mais tout le monde connaît le lilas, tout le monde connaît les pissenlits, les roses trémières. Donc il y a quand même pas mal de fleurs qui sont déjà connues de tous, donc qui sont faciles à identifier. Est-ce qu'il y a une littérature sur ces fleurs aujourd'hui suffisamment complète pour qu'on puisse se lancer dans l'aventure sans formation préalable? Il y a beaucoup de guides, de flores, de choses très pointues. Justement, il existe beaucoup de livres très pointus de botanique sur les fleurs et les plantes sauvages. Et parfois, on est un petit peu perdu parce qu'il y a des plantes qui se ressemblent fortement, mais qui ne sont pas faciles forcément à identifier. Donc nous, bon, dans cette collection chez Terre Vivante Facile et Bio, le but c'est vraiment de pouvoir accéder rapidement à cette thématique. Donc on a choisi des fleurs faciles à identifier, oui, qu'on ne peut pas confondre avec des fleurs toxiques, etc. Alors moi j'étais assez étonnée de découvrir que le lilas était comestible. J'en ai dans mon jardin, oui. je ne serais pas venue à l'idée de les cuisiner. Oui, mais c'est étonnant ça, le lilas. Comment est-ce que vous pourriez cuisiner cette fleur qu'on a quasiment tous dans les jardins en ce moment? Le lilas est très très parfumé, comme tout le monde le sait, donc on peut facilement l'utiliser pour parfumer un lait, par exemple, et en réaliser ensuite une petite crème au lait, comme on peut faire des crèmes, voilà, une crème au lait ou aux œufs. Ouais, donc par exemple en infusion, donc, c'est ça. Voilà, en infusion, ou si vraiment on l'apprécie, on peut même détacher des petites inflorescences et les rajouter dans une salade de fruits, tout simplement, ou même une salade de crudités. Ouais. Est-ce qu'on pourrait les faire en beignet, ces petits bouquets de lilas? En beignet, c'est pas très facile parce que les fleurs sont quand même petites et attachées rapidement à un branchage qui, lui, n'est pas comestible et les fleurs non plus. Donc, c'est pas très, je pense pas que ce soit très agréable, mais peut-être en mini beignet, ça ferait des toutes petites bouchées. Et on peut pas faire des beignets comme on fait avec les fleurs d'acacia, par exemple, qui plus facile à travailler comme ça. Alors avant d'évoquer cette cuisine des fleurs, on peut peut-être juste ouvrir une parenthèse très très importante. Il y a quand même quelques belles empoisonneuses à bien connaître si on se lance dans l'aventure de la cueillette de ces fleurs sauvages. On peut peut-être en citer quelques-unes, les plus connues en tous les cas, Amandine Gers. Il y a pas mal de... La Calidoine par exemple, ou le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, très commun dans nos... Le chèvrefeuille est très connu, il est très parfumé, on a envie de le mettre dans son assiette, mais celui-ci est toxique. Ou les clématites aussi, qui sont très belles, très décoratives, mais qui ne sont pas comestibles. Les cyclamènes, qu'on trouve beaucoup dans les jardins, ou les mufliers. Voilà, puis il y a la nielle des blés, on n'en trouve plus beaucoup dans les blés, mais c'est une fleur qui est magnifique, qui est hautement toxique, celle-ci. Et oui, une autre qui est très connue aussi, c'est le bouton d'or, hein, que tout le monde connaît, oui, que les enfants cueillent. Les renoncules, donc voilà, ça, ce sont des fleurs vraiment qu'il faut laisser, qu'on laisse dans la nature, qu'on ne cueille pas. Idem pour le muguet, les personnages, on ne touche pas. Ou alors pour la belle. Voilà, le laurier. Le laurier rose aussi, voilà. Voilà. Pas confondre le laurier sauf et le laurier rose. Alors, vous êtes, je le rappelle, l'auteur de ce livre, Je cuisine les fleurs. Quelle partie de la plante est-ce qu'on peut consommer finalement? Il y a la fleur, forcément. Il y a aussi peut-être les boutons floraux, les feuilles aussi. En fait, ça dépend des fleurs. Il y a certaines fleurs dont on peut manger la fleur, la feuille. Et puis la fleur, on peut la manger à différents stades. Donc, au niveau de quand elle n'est pas encore éclose, à l'état de bouton. Il y a certaines plantes pour lesquelles on ne peut manger que la fleur et pas la feuille, comme par exemple le lilas. Donc ça dépend vraiment des fleurs. Dans le livre, on a réalisé un tableau assez pratique pour justement déterminer quelles sont les parties de la plante qu'on peut consommer. Donc voilà, ça dépend vraiment des plantes. Il y a des plantes qu'on peut manger dans leur intégralité. On ramasse les fleurs et on ramasse aussi les feuilles pour les préparer en salade. Et d'autres pour lesquelles on va ramasser uniquement la fleur. C'est un peu comme les tomates en fait. Les tomates, on mange le fruit mais on ne mange pas les feuilles. Bien sûr. Toxique. Alors, il y a même une fleur dans le livre, pardon ? Ça sent bon, les feuilles de tomate. Voilà, c'est tout. Il y a une fleur aussi dans le livre qui est l'immortelle. On l'appelle aussi le curry. Elle se ramasse sur les bords de mer. Elle a un parfum de curry. Celle-ci, on ne la consomme pas. Elle est juste utilisée comme bouquet garni pour parfumer une recette. Donc, je ne sais pas, un tagine, par exemple, ou un curry. Mais on la met de préférence dans un petit sachet où on fait un bouquet comme un bouquet garni et on retire les fleurs avant de consommer. Alors, que dire sur les lieux de cueillette de ces fleurs lorsqu'on part en balade? J'imagine qu'il y a des lieux que l'on doit éviter, comme pour les plantes sauvages d'ailleurs, les lieux de passage. Comment ça se passe? On évite les lieux de passage, on évite les bords de champs qui sont traités aux pesticides. Voilà, on évite les promenades des chiens, on évite tous les... Enfin, ça me semble être un peu le bon sens. Quand on se balade et qu'on est dans un endroit sauvage, préservé, qui, voilà, dans lequel on se sent bien, je pense que c'est un bon signe pour se dire qu'on est dans un bon endroit de cueillette. Donc évidemment, les seuls problèmes en fait majeurs, c'est les pesticides, mais bon, c'est comme notre alimentation normale, évidemment. Et puis les déjections canines. Alors, ce qu'on peut peut-être aussi évoquer, ce sont les fleurs vendues chez le fleuriste. Est-ce qu'elles sont comestibles, ces fleurs, ou justement non. Là, il y a encore un problème de pesticides Là, c'est pire que tout. Celles-ci, il ne faut vraiment pas du tout les consommer parce que souvent, elles sont même trempées dans des jus colorants ou toxiques pour être conservées, pour activer la floraison, etc. Donc, mieux vaut encore ramasser une fleur au bord d'un champ traité que manger une fleur de chez Sophie, nous qui sommes quelque part des militants de la cause de la bonne bouffe et de la bouffe propre. Il faudrait, c'est pas tout à fait notre métier, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous sont sensibilisés maintenant à manger plus propre. Et quand on achète des fleurs, on n'y pense pas du tout. Ça commence à en parler. Ça commence, mais franchement, parce qu'il faut penser à deux choses. Dans le cas des fleurs, c'est effectivement les consommateurs, mais c'est surtout les fleuristes qui se bouffent des saloperies et qui sont envahis de cet environnement plein de saloperies pendant toute leur vie professionnelle. Donc voilà, c'est un peu en dehors de notre domaine d'action. Pas tant que ça. C'est l'horticulture quand même. Exactement. Voilà, donc ouvrons la réflexion et donc pourquoi pas partir fleurs bio. Nous-mêmes à la cueillette et cuisiner toutes ces fleurs. Vous les cuisinez, vous, les fleurs, Carlo ? Je dois vous reconnaître, Sophie, que sortie de quelques fleurs de lavande dans de la confiture ou les fameuses fleurs de courgette, de toutes les manières, je ne suis pas du tout... J'apprends énormément aujourd'hui. Ah, la lavande, une incontournable, hein, Amandine Gerst, bien connue. Moi, j'aime bien en mettre dans ma confiture de pêche. Et voilà, je pensais à ça. Ouais. Vous la déclinez comment, la lavande ? Je l'ai cuisinée en version salée, avec un rôti que j'ai accompagné de pêche, comme vos confitures. Mm-hmm. Un rôti de porc là, en cocotte. Et puis, j'ai farci aussi des petits légumes végétariens avec du tofu donc sans viande, que j'ai également aromatisé avec de la lavande. Vous attisez ma curiosité, mais ce fameux rôti de porc aux pêches et lavande, comment vous avez cuisiné ce petit plat qui fleure bon déjà l'été ? Eh bien, j'ai fait revenir le rôti dans une cocotte. Et ensuite, j'ai ajouté des pêches, de l'oignon. Non, des petites pêches de vigne entières. D'accord. Voilà, j'ai ajouté des fèves aussi, des fèves fraîches écossées et épluchées. Mm-hmm. Et voilà, ça cuit assez rapidement, hein, 20-25 minutes dans une cocotte couverte. Ouais. Et donc, vous avez saupoudré de fleurs de lavande, c'est ça ? Et donc, j'ai ajouté un petit bouquet de fleurs de lavande à l'intérieur qui a parfumé les pêches, le rôti, etc. Oh là là ! Avec un petit peu de thym, ça peut être bien aussi, ça. Voilà, et j'aime bien cuire le rôti en cocotte parce qu'il permet, il est du coup moelleux. Et alors, les pêches, à la fin de l'histoire, les pêches, elles sont compotées. Vous les avez épluchées, vous les avez laissées comme ça ou vous avez... Non, je les ai laissées comme ça parce que je trouve que c'est joli de servir une pêche par convive. Et après, évidemment, soit on l'épluche dans l'assiette, ça se fait assez rapidement, ou on mange la peau. Parce qu'on... Voilà. Mais Sophie, le rôti de porc avec des abricots, c'est un grand classique de la cuisine belge. Hein. Oui. C'est vrai. C'est un grand classique des chaumières ici, le rôti de porc avec des abricots. Ah, mais ça, c'est la version avec des pêches. Mais alors, le coup de la lavande saupoudrée, je prends. Ça, en Belgique, alors, on peut peut-être évoquer quelques mots, Amandine, sur la conservation. Une fois qu'on a récolté nos fleurs fraîches, quelle est la meilleure manière de les conserver ? Alors, étonnamment, les fleurs fraîches se conservent assez longtemps au réfrigérateur une fois les avoir récoltées. Donc, il faut d'abord bien les rincer, les nettoyer ou voilà, les passer un peu sous l'eau. Et ensuite, je les conserve dans des boîtes au réfrigérateur que je tapisse avec papier essuie-main légèrement humide. Oui. Donc, je sépare les couches, je fais les différentes espèces de fleurs, je les mélange pas, je les mets par couche comme ça, avec du papier essuie-main. Et ça peut se conserver comme ça, dans leur humidité, en fait, pendant plus d'une semaine, en gardant vraiment leur fraîcheur intacte. Ensuite, il y a certaines fleurs, comme par exemple la lavande, qui a plus d'odeur quand elle sèche, donc on peut la faire sécher très facilement, ainsi que d'autres fleurs, si elles ont été récoltées par temps sec. Une grande majorité des fleurs peuvent se conserver. Et comment vous les séchez, ces fleurs, généralement ? Je les nettoie, je les essore légèrement, et je les laisse sur une petite claie ou sur un petit torchon sec, et je les laisse... quelques heures ou quelques jours, elle sèche très rapidement. Pas besoin de déshydrateur. Carlo, aidez-moi. Non. Hein déshydrateur pour déshydrater. J'arrive pas à le dire non plus, ce mot-là. Pas grave, on n'en a pas besoin. Donc on peut le faire naturellement en les laissant simplement sécher. Peut-être une autre question, est-ce qu'il y a un moment de la journée où il est plus judicieux d'opérer la cueillette ? Moi, je trouve que pour qu'elles se conservent mieux, c'est mieux de les récolter le matin ou alors en fin de journée quand ils... pas sous le soleil en fait, quand l'environnement est encore légèrement humide, elles vont se conserver beaucoup mieux. Mais ça dépend du lieu où on se trouve. Hein. Si on se trouve en plaine, il va faire peut-être déjà très sec dès le matin. Moi, je vis dans une région très humide, le Marais Poitevin, où voilà, il y a toujours des endroits humides, secs et frais. Et je trouve que c'est le meilleur moment pour récolter les fleurs. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. On prend le petit panier et on part à la cueillette en famille. Et puis, en cuisine, alors on peut peut-être évoquer quelques fleurs dont vous parlez dans ce livre « Je cuisine les fleurs » publié aux éditions Terre Vivante. Le pissenlit, tout se mange dans le pissenlit. Amandine. Tous mangent en pissenlit. La fleur et la feuille. C'est comme, c'est comme le cochon, le pissenlit, on le mange à tous les stades. Ouais. À l'état de rosette, quand il est juste, quand il n'est pas encore en fleur et que le bouton se trouve encore au milieu de la rosette. Et puis après, la fleur, en effet, on peut la récolter quand elle est encore en bouton pour la transformer en quatre, par exemple. Ouais. Hein. Ah, donc avec après, du vinaigre, juste. Vous les mettez dans le vinaigre. De l'eau, du vinaigre, et on les ébouillante. Voilà, après, on peut accompagner des charcuteries, des viandes, etc. Mais on peut aussi récolter juste les pétales. Chaque pétale, ce qu'on appelle des pétales chez le pissenlit, ce sont des fleurs. Il y a une multitude de fleurs sur la fleur. Pissenlit. Voilà, sur la fleur. Donc, on peut les récolter comme ça et voilà, elles vont décorer une salade. Oui, le pissenlit, c'est la fleur. Maintenant, je pense que c'est peut-être un peu trop tard pour le pissenlit. C'est la fleur de printemps dépurative par excellence, qui est très bonne à consommer. Je sais, qu'est-ce que j'ai fait de... Alors j'ai vous, c'était un chèvre frais avec des noix concassées et des fleurs de pissenlit pour la petite touche de couleur et de goût. Parce qu'on a un petit goût piquant sur le pissenlit, évidemment. Oui, voilà, j'ai fait des petites perles ou des petites boules de fromage que j'ai enrobées en effet de fleurs. Donc là, c'est pour son côté décoratif. Et je propose aussi la recette de câpre de boutons de pissenlit. On mettra la recette sur le site lapremière.be dans quelques minutes. La rose, vous la déclinez comment, Amandine Gers? Alors la rose, c'est un peu comme le... Elle est tellement délicate que j'aime bien la préparer en dessert. Hein, donc dans des crèmes, comme je le disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que, moi, évidemment, vous devez aider le pauvre cuisinier que je suis, qui déjà n'est pas si brillant que ça, mais en plus qui est un peu perplexe face aux fleurs. J'ai devant moi la rose, les épines, etc. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je... Manger les épines. Oui, non, mais ça fait longtemps avec vous, je les mange toutes les semaines, Sophie. Les épines, on les laisse pour quelqu'un d'autre. Oui. On récolte les belles fleurs, voilà, qui ne sont pas abîmées. Oui. Comme il y a souvent des petits insectes dans les roses, on peut les enlever. Une fois qu'on est rentré à la maison, voilà, on les met sur le plan de travail. Les petites bêtes se sauvent en général, mais sinon on les effeuille une à une. Et ensuite, on les fait infuser dans une préparation qui va ensuite... Donc là, dans le livre, je propose un pain perdu à la rose, par exemple. Donc on fait la préparation, on mélange les œufs, un peu de lait, etc. On rajoute des pétales de rose dedans. J'ai rajouté aussi du sirop de rose. J'ai un peu triché dans cette recette-là, parce qu'il y a des sirops de rose qui sont... Oui. Très très bon. Ce n'est que les pétales que l'on emploie donc. Oui, ce ne sont que les pétales. Mais nous pourrions par exemple utiliser ces pétales pour agrémenter une salade, tout simplement, pour le côté coloré. Ou alors, comme dans le film dont le nom m'échappe, le lit. Voilà, mais c'est pas grave. Dans le lit, avec American quelque chose. Voilà, c'est pas grave, ça revient. Mais merci, Sophie, American Beauty. Ah oui, merci. Moi, je garde l'acteur et vous gardez le lit avec les roses. Oui, là, oui. Parfait. Alors, vous parlez aussi de la glycine. J'en ai chez moi. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse la dévorer, cette glycine, quelle que soit la couleur d'ailleurs. Là, j'imagine bien, ça en beignet, justement. J'en reviens toujours à ces beignets. Mais... Vous avez envie de beignet aujourd'hui? Est-ce que ça marche avec les beignets? Oui, je pense que ça marche, parce que là, il n'y a pas de branchage, hein, c'est juste une petite tige, donc je pense que c'est très bien pour des beignets. Moi, je l'ai proposé avec une salade de concombre, hein, parce que bon, elle est très parfumée, mais je trouve qu'elle est quand même assez douce et ça se marie bien avec le concombre, l'estragon, avec des petits dés de pommes, donc une petite salade sucrée-salée. Voilà, toute simple. Et ce petit bémol, vous l'indiquez dans le livre, les graines et les feuilles sont toxiques. Donc faites quand même attention. Donc on ne mange que la fleur. Voilà. C'est ça? Alors, on évoquait tout à l'heure, Amandine Gers, la recette d'asperges blanches au lilas. Là, j'ai quand même envie de vous demander la recette parce que vous savez qu'ici, l'asperge blanche est devenue incontournable au fil des décennies. Vous déclinez comment cette fleur avec l'asperge blanche? Comme le lilas, j'ai trouvé que la saison de l'asperge est très courte et la saison du lilas aussi. Donc j'ai eu envie de les associer ensemble. Donc j'ai simplement préparé une petite sauce qu'on utilise pour tremper ses asperges, qui est composée de fleurs de lilas, de yaourt, d'huile d'olive, de sel et de poivre, tout simplement. Donc on a ce côté un peu amer de l'asperge et le côté fleuri de la sauce. Donc voilà, j'ai voulu marier deux ingrédients très printaniers dont on ne profite pas assez longtemps, malheureusement, parce que la saison est courte. Voilà, donc... Donc on fait cuire les asperges comme on a l'habitude de le faire d'habitude. Ouais. On prépare une petite sauce toute simple en fouettant le yaourt, l'huile d'olive, le sel, le poivre. et on rajoute les petites fleurs de lilas qu'on détache une par une de la grappe. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à oser imaginer ces belles asperges blanches avec un peu de lilas mauve par-dessus. Voilà. C'est pas mal, hein ? Oui, ça me voilà, changera des œufs durs et du persil. Voilà. Mais on pourrait même rajouter du lilas sur l'œuf, sur l'asperge à la flamande. Non, l'asperge à la flamande, on n'y touche pas. Bon, arrêtez, vous êtes un peu trop conservateur. Oui. Voilà, en tout cas, les amis, pour d'autres recettes à base de fleurs, je vous invite à découvrir cet ouvrage qui sent bon l'été et le printemps. Je cuisine les fleurs, 50 recettes inattendues par vous. Amandine Gers et Olivier Degors qui signent les photos. Et c'est publié aux éditions Terre Vivante. Amandine, on se retrouve dès la rentrée. Vous nous parlerez de pommes. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Bon samedi à merci vous. Merci beaucoup, Amandine. Carlo. Aussi, bon week-end. Après la cuisine des fleurs, une cuisine de l'âme et du partage, la cuisine italienne avec Angela qui dévore là en ce moment, juste après la pub. Magnifique. 11h midi. Bientôt à table sur la première. Avec Sophie Mouns. Nous fêtons en ce moment les 70 ans de l'arrivée de cette population du soleil, l'immigration italienne. C'était le 23 juin 1946, les accords charbon étaient signés, hein, Carlo, entre la Belgique et l'Italie pour ainsi combler une main-d'œuvre qui faisait défaut dans les charbonnages de Belgique après la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants sont ainsi arrivés sous le ciel gris. Et parmi ces enfants du soleil, Angela Panari ici. Est bonjour avec nous Sophie. Ce matin. Vous êtes d'origine sicilienne. Votre grand-père est arrivé dans les charbonnages. En quelle année on était en Après 46. 46, oui, c'est ça. Oui. Vous êtes une petite fille donc de cette immigration italienne, un petit peu comme nous, hein, d'ailleurs, Carlo. Oui, on a tous pas... des souvenirs de. Voilà, moi je suis arrivé autrement, ouais. Mais voilà, ça fait déjà largement plus de 50 ans que ma famille est en Belgique et vous aussi, Sophie. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que. Nos noms ne disent pas toujours tout. Non, ben vous voyez, il y a eu des mariages, etc. Oui, ça, mais c'est vrai que. On va l'entendre avec Angela. Eh bien, c'est cette nouvelle vie sous le ciel gris de Belgique pour une vie peut-être plus qualitative, hein, certainement, aura été très très très. Enfin, j'y arrive plus. Non, mais c'est normal, ça remue des souvenirs. Oui. Il faudra peut-être revenir à ce que Angela, parce qu'on a préparé cette émission avec Angela, qui est un peu notre témoin de la journée. C'est que aujourd'hui, on a tous envie et les médias ont dit fête. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure en début d'émission. Ouais. Et en fait, on commémore parce que l'arrivée des Italiens, et peut-être qu'Angela a des souvenirs de ça. Ça n'a pas été forcément la fête. Et non. Oui, ben oui. Et tout ils ont à pas fait. Été. On les a pas fêtés quand ils sont arrivés. Maintenant, c'est ça qui est formidable, c'est que maintenant. J'ai envie de dire, on nous fête. Mais... Aujourd'hui, on nous fête, mais à l'époque, c'était pas du tout une fête. Quand on revient un petit peu dans le contexte de l'époque, c'est vrai, je n'utilise pas un mot qui est fort, mais ce sont, et c'était des déportés économiques, donc ils ont été déracinés. Qui aime être déraciné chez soi? Il n'y a personne qui aime partir. Mais c'était vraiment dans un souci de mieux-être. Et en arrivant en Belgique, c'est à travers la cuisine. Exactement. Donc en arrivant, finalement, c'est la fin d'une histoire qui se termine et quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, qui est peut-être plus gris que le soleil qu'on connaissait. Et à travers la cuisine, eh bien, on veut essayer de retrouver son identité, sa culture. Exactement. Voilà. Vous m'expliquiez hors antenne, et je suis assez d'accord avec ça, vous me le disiez, de l'importance de l'alimentation dans cette vie communautaire, dans la construction sociale et culturelle de nos identités en réalité. Hein. C'était omniprésent, cette cuisine, le moment où la mamma se mettait au fourneau, c'était un peu d'Italie qui revenait dans les foyers. Hein. Complètement, complètement. C'est toute l'ambiance, parce que faut se dire aussi quand on... Les cultures modestes, parce qu'on vient de cultures modestes, il faut savoir que la culture n'est pas dans les livres. On n'a pas été éduqués, ce ne sont pas les livres. Mais la culture, elle est présente à travers le repas, le lien qu'on a à travers les aliments, ce lien est... Et tout ce qu'on fait autour et des recettes et en fait chaque famille italienne, chaque village, chaque région avait et a toujours dans l'Italie d'aujourd'hui ses propres recettes et cette tradition elle est vraiment terriblement orale. Que ce soit chez les gens, c'est vrai que la cuisine italienne dite aristocratique, elle s'est plus transmise dans les livres, mais sinon la cuisine de tous les jours et de chaque micro-région se transmet de mère en fille. Et ce qui est amusant, c'est que 60, 70 ans après, quand vous croisez des Italiens de Belgique, tout le monde a son Italie. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Angela. Exactement. Mais il y a les régionalismes qui subsistent. Oui, et tout le monde a son Italie. Et souvent, les gens me disent « Ah mais non, mais quand les gens me voient faire un risotto, je dis, c'est pas italien, t'as mis du beurre. C'est pas italien. Je dis, parce que ta mère employait que de l'huile d'olive. Mais, mais sinon, chacun a sa propre Italie. » Mais justement, vous êtes sicilienne d'origine. Oui. Vous êtes venue avec quelques spécialités. Parce que vous allez nous l'expliquer, cette cuisine de ces familles immigrées en Belgique était une cuisine du pauvre. Il n'y avait pas les moyens. On utilisait ce qu'il y avait sur place, de la farine. Le pain omniprésent dans cette culture gastronomique, alimentaire, en tout cas italienne. Voilà, le pain, donc on pense toujours que c'est les pâtes qui faisaient partie, qui étaient la base de la cuisine italienne. Pas du tout, en tout cas dans ma région. Je parle uniquement dans ma région. Donc on utilisait le pain. Le pain était sacré. Et c'était l'élément de base qu'on ne jetait absolument pas. Par exemple, quelque chose qui me reste aujourd'hui, c'est depuis toute petite, j'ai entendu ma mère qui me dit « on ne jette pas le pain, je ne jette pas de pain ». Donc je recycle mon pain. Oui. Bon, j'ai la chance d'avoir une mère qui me fait du pain délicieux, cuit au feu de bois. Mais on ne jette pas le pain, donc on avait tout un système de recyclage et de recettes qui permettaient de réutiliser ce pain. Et il y a une multitude de recettes, en tout cas dans le sud de l'Italie, qui sont faites à base de pain. Des pâtes avec des miettes de pain. Exactement. Alors, que vous, ça s'appelle... Oui, voilà. Ça s'appelle, donc, je vous le dis en dialecte, la pasta con la mollica. La pasta con la mollica. Con la mollica. C'est avec la chapelure. Oui, voilà. Ouais. Donc, mais quand on dit pâte à la chapelure, on se dit, bon, voilà, pâte à la chapelure, ok. C'est les Italiens qui mettent du pain sur des pâtes. C'est simple. Quoi. Pas du tout. Ouais. Là, justement, c'est tout le bonheur de cette recette, c'est que, justement, cette recette va avoir de la richesse avec les ingrédients qu'on utilise. Donc, on va utiliser une mie de pain qu'on va faire toaster avec de l'huile d'olive dans une poêle avec un tout petit peu d'ail. Maintenant, ce pain, c'est mieux s'il est casareccio, comme on dit, donc fait maison. Fait maison. Et ensuite, simplement, comme le disait Carlo tout à l'heure, après, ça varie de région en région. Donc, il y a des personnes qui font des pâtes, aglio olio, simplement. Et puis, il y en a qui rajoutent des tomates. Des sardines. Des sardines. Oui. Et puis, on vient saupoudrer donc, les pâtes. Les pâtes de cette mollica. Mais c'est le parmesan du pauvre. Exactement. L'utilisation du parmesan dans toute l'Italie, c'est très récent et pas chez tout le monde. Il y a une recette très semblable à Naples qui s'appelle les vermicelli à la carrettière, qui est une recette de la rue, alors pour le coup, et qui se fait effectivement oignon, origan, mie de pain, enfin chapelure toastée à l'huile d'olive, et on emploie des gros spaghettis, parce que les vermicelli à Naples, c'est les gros. Quelles étaient les difficultés qu'ont rencontrées ces familles italiennes pour trouver ces produits italiens au départ? C'était pas évident, hein? Du tout, il y en avait pas. Non. Il y avait très peu. Il y avait, par exemple, très peu d'huile d'olive. Mmh. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué, puisque c'est ce sont des cultures qui cultivaient les champs. Donc, ils ont gardé ça. Beaucoup de gens se sont mis à cultiver un potager. Ouais. Je vous parle aussi notamment de dans le sud de l'Italie, on est habitué à manger les verdure di campagne, donc les verdures les plantes sauvages. Les plantes sauvages, non, voilà. Les pissenlits notamment. Voilà, les pissenlits. Ouais. Et en arrivant en Belgique, c'est vrai que c'était un peu particulier. Justement, ça c'est une anecdote de ma grand-mère qui allait dans les champs des fermiers ramasser des pissenlits, mais qui ne le disait pas parce qu'à l'époque, c'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui de manger du pissenlit. Donc on disait que c'était pour les animaux, mais on ne disait pas que c'était pour soi. Ils s'en foutent, ces Italiens. Voilà. Ouais. Les légumineuses aussi, déjà omniprésentes dans le bol alimentaire de l'Italien, du nord au sud d'ailleurs. Voilà. Et ça, vous l'avez très bien, nous l'avons très bien apporté et importé vers la Belgique. Mais les légumineuses, à la base, c'était aussi, ça remplaçait la viande, tout simplement. La viande était rare, donc on mangeait beaucoup de légumineuses. Mais aujourd'hui, on a des plats que tout le monde continue à manger chez les enfants, des immigrés et même d'autres. Les pastas et fagioli, à la base, c'est quelque chose... On peut peut-être expliquer, donc, ce sont les pâtes aux petits haricots. C'est les pâtes aux haricots, et c'est un plat qui traverse toute l'Italie du Nord. Voilà, mais exactement. Par contre, moi, je suis curieux de connaître la version sicilienne. Ben, ou la version panarisi. Elle n'est pas si différente de la version napolitaine, j'avoue. Mais c'est un peu comme c'est dans... les haricots blancs. Non, les haricots rouges. C'est les rouges. Ah, ah d'accord. Vois, les haricots rouges. Oui. Haricots rouges. Et mais ça varie aussi, comme on le disait tout à l'heure, de, presque de village en village. Les recettes varient. Et vous employez de la pâte à mélanger? C'est des pâtes que l'on casse. Ouais, en fait, exactement. À la base, c'est comme les pâtes avec les fèves des marais. Donc là, en fait, on utilisait des pâtes. Donc avant, on vendait les pâtes dans des caisses en bois chez les boulangers. Mmh. Et donc, il restait des cassures de pâtes dans le fond que le boulanger vendait à bas prix. Et donc, on utilisait ces pâtes pour les insérer soit dans la pâte et fagioli, soit dans toutes les recettes de pâtes. Voilà. C'était une cuisine de la débrouille, véritablement, dans ces familles italiennes. Mais pas mal de réactions, justement, sur cette recette de pasta et fagioli. C'est difficile d'en donner une. Oui, mais on peut peut-être donner, en tout cas, l'impulsion. Donc, Carlo... Mais alors, le principe, c'est d'abord, si on a des haricots secs, bientôt, on va avoir des haricots frais, mais les haricots secs, on les met à tremper. On les met à tremper dans l'eau. Une nuit suffit. On les met à tremper, on les égoutte et on les fait cuire dans une nouvelle eau. Dans cette nouvelle eau, jamais de sel pour pas faire durcir la peau. De l'ail, du romarin, de la sauge, ce qui vous passe par la main, de l'huile d'olive et vous beaucoup les pâtes d'eau. On cuit d'abord les haricots. On va jusqu'à la pointe cuisson des haricots. Quand les haricots sont cuits, là, on va pouvoir. Alors, les haricots selon les recettes des cocos rouges borlottis ou des cannellini, c'est-à-dire des lingots blancs, et on va prélever une partie des haricots et on va les mixer. Mais c'est pas obligatoire, mais beaucoup le font. On va mixer une partie des haricots, on peut mettre une tomate pelée ou deux. Et ensuite, on s'arrange pour qu'il y ait quand même pas mal d'eau à la fin dans la casserole de haricots où on a remis des haricots mixés. Et là, on va mettre les pâtes. On va amener les pâtes à cuisson avec les haricots. Et en fait, tout ce qui fait le sel de cette recette de la pasta e fagioli, que ce ne sont pas des pâtes aux haricots, c'est des pâtes et des haricots. Et, la conjonction de coordination est très importante. Parce qu'il y a une fusion qui se fait entre l'amidon des pâtes et le féculent des haricots. Et cette espèce de petite liaison comme ça qui se fait. Et je me souviens, ma grand-mère, qui elle était napolitaine, elle goûtait l'eau de cuisson. Et elle me disait, si le petit jus a le bon goût, on est bon. Et là, évidemment, on a déjà salé, etc. Alors, à la fin, quand on sert dans l'assiette, il faut que ce soit quand même encore assez relativement liquide. Et après, chacun selon son goût, on remet de l'huile accrue, on remet un tour de moulin, et normalement, on met, mais après, on fait comme on veut, évidemment, mais normalement, il n'y a pas de fromage sur les pâtes fagioli. C'est un plat du pauvre. À mon avis, on doit être à moins de 1 euro par personne l'assiette. Oui. C'était une cuisine du quotidien, cette cuisine du pauvre, et je mets des grands guillemets, parce qu'elle était cuisine du pauvre, mais tellement goûteuse. C'est délicieux, ces trucs. C'est extraordinaire. Et finalement, ça sert d'exemple aujourd'hui à la cuisine de crise d'aujourd'hui, où ces plats-là arrive chez nous. Ouais, vous les légumineuses, on en parle souvent, de plus en plus souvent. En fait, les Italiens avaient tout compris. À part les pâtes, on est presque des tox. C'est vrai, Rita nous envoie un petit message via notre page Facebook. Rita a 41 ans et elle se souvient que petite fille, c'était l'une des premières à intégrer, à utiliser l'huile d'olive il y a 40 ans. Et je me souviens aussi que dans ma classe, par exemple, tout le monde cuisinait au beurre, sauf nous. Et la margarine. Mais l'huile d'olive, c'est vrai, ça fait quoi, 30-40 ans dans ta famille, finalement. Dans ta famille, l'huile d'olive? Oh, non, plus que ça. Est-ce que papa, il avait de l'huile d'olive? Alors, papa, il avait de l'huile d'olive, mais donc, quand les hommes sont arrivés tout d'abord seuls, ils se débrouillaient quand même pour ramener une ou deux bouteilles d'huile d'olive qu'ils utilisaient avec parcimonie pour pouvoir cuisiner, parce que c'était la base. Oui, finalement, s'il y a un ingrédient qu'il faut, c'est celui-là. Voilà, Angelo, qui est fils de mineur, me raconte qu'il existait un système de contrebande. De produits italiens. Donc certains immigrés de temps en temps revenaient au pays, revenaient par le train, chargés comme des mulets, et vendaient tous ces produits qu'on ne trouvait pas forcément facilement dans la région du centre. Mais c'est vrai que quand t'as l'huile, t'as déjà le départ. Parce que après, il te manque le fromage, les pâtes, ça vient, comme tu disais, ça vient après. Mais effectivement, vous me parliez hors antenne, Angela, de ces souvenirs, de ces voyages en train, où ces familles partaient avec des tonnes de nourriture, de victuailles dans les bagages. Ça, c'est dans l'âme de l'Italie. C'est qu'il y a de la vastelle. Il y a l'opulence. Ça rassure l'opulence. Hein. Oui, alors, ça c'est... Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mémoires de famine. Ça, c'est prouvé scientifiquement qu'on garde ça en nous. Donc, jusqu'à trois générations. Jusqu'à trois générations, au moins. Et par exemple, vous mentionniez les voyages en train. Ouais. À l'époque, il y avait beaucoup moins de supermarchés italiens qu'aujourd'hui. Et donc, quand on faisait... Moi, je m'en souviens très bien. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai fait des voyages en train. On partait en Italie avec tout un tas de choses pour les gens là-bas, de la chicorée, des raclettes. Ouais. Et alors, on revenait chargé, mais avec, je me souviens, des bidons d'huile d'olive, bidons de vin, du fromage, des salaisons, des aromates aussi, très importants, parce que c'est ça aussi qui permettait de faire chanter les assiettes à l'italienne. Quoi. Et pas mal de réactions aussi d'auditeurs qui nous disent, par exemple, il y a la famille Cita, qui est aujourd'hui bien connue pour avoir créé des grandes enseignes d'alimentation italienne, qui se sont installées du côté de Marcinelle, Faye-les-Manages, etc. Ma région. Et il faut leur laisser ça, c'est qu'ils font la bonne ricotta. Ils sont réputés pour ça, pour leur ricotta. Elle est faite ici, elle est franchement pas mal. Tu la manges super fraîche, elle est pas mal du tout. Oui. Notre invitée du jour, Angela Panarisi, qui est donc une petite fille d'immigrés siciliens, venue travailler dans les mines du côté de Charleroi. Vous l'expliquiez tout à l'heure, il y a un instant, c'est que finalement, cette cuisine du quotidien, c'était une cuisine du pauvre. On prenait ce qu'il y avait, essentiellement du pain, le pain qu'on recyclait, que l'on réutilisait, que l'on intégrait à des pâtes, des restants de pâtes que le boulanger vendait à tout bas prix, pour pouvoir justement faire des grandes marmites roboratives, parce qu'il fallait quand même nourrir ces hommes qui partaient travailler. Vous êtes venue là ce matin, Angela, avec un plat tout à fait typique de la Sicile, une sorte de petit pain farci. Je ne vais pas le citer, je ne vais pas le nommer, parce que c'était ça. Prononçable. Allez-y. Alors, je vais vous parler de la mbriulata. La mbriulata, donc c'était c'est le cousin du sandwich, Exactement. Vous voulez. Donc c'était un petit pain qui était farci, qui était préparé par les femmes pour les hommes qui partaient travailler dans les champs. Il fallait quelque chose de consistant. Dans les champs et les mines. Dans les champs, à l'époque. Et les mines après. Donc c'était quelque chose qu'on pouvait emporter dans sa poche. Donc c'est un petit pain tout rond farci, dans lequel aujourd'hui on a mis de la viande, des pommes de terre, des oignons, on peut aussi y mettre des bêtes, on peut y mettre du chou. Mais la recette tout à fait originale était faite avec des petits, Carlo, vous le savez mieux. Je ne sais pas, des légumes ou de la viande. Non, en fait, quand on faisait fondre le sindou. Des morceaux de viande qui étaient sindou. Alors que dans le nord de l'Italie, on appelle ça des ciccioli. Voilà. Je ne sais pas dans le sud comment on appelle ça. Oui. C'est-à-dire de la viande, des bas morceaux, mais qui ont bon goût. C'est très bon. Mmh. Voilà. Voilà, c'est bien gras. Donc à l'origine, c'était ça la recette. Et donc aujourd'hui, si vous voulez préparer les mbriulates, c'est très facile. Donc c'est une pâte à pain que vous étalez. Ça s'est wallonisé un peu. Mbriolate. Ça s'est wallonisé en mbriolate. Voilà. C'est exactement. Donc, une pâte à pain. Donc, vous l'étalez comme une pizza. Mm-hmm. Et puis, vous faites couler un petit filet d'huile d'olive que vous essayez d'étaler sur toute la pâte. Ensuite, vous mettez de la salsiccia, donc la fenouil, c'est mieux, donc que vous étalez aussi partout. Des pommes de terre qui ont été rissolées avec des oignons. Que vous mettez aussi partout, quelques olives noires, vous saupoudrez avec un peu de fromage, alors originellement c'est du pecorino, vous terminez avec un filet d'huile d'olive, un petit tour de moulin, de poivre, vous enroulez, et puis vous coupez et vous faites des espèces de petites brioches comme ça que vous mettez au four. Ici, celles-ci, elles ont été cuites au feu de bois. Et il y a quoi? De la patate? On a goûté, c'était ici, très bon, de la patate et de la saucisse. De la patate, de la saucisse, des oignons. Voilà. Et ça ressemble à un petit beignet tout rond et c'est vraiment bon. On a mangé un entier juste avant l'émission. Ça fait du bien encore. Voilà, mais donc c'était déjà les sandwichs de l'époque avec les produits qu'on l'on trouvait dans les épiceries belges, etc., qui ont en fait assez vite compris qu'il fallait. Il faut juste l'huile d'olive comme produit local finalement, vraiment local italien. Parce que la pâte à pain est à l'huile. Oui. Pardon? Il y a de l'huile dans la pâte à pain. Il y a de l'huile, non, pas dans la pâte. Ah, tu mets de l'huile d'olive sur la garniture. Voilà, après la pâte. Voilà. Parce qu'il y en a dans les oignons, il y en a dedans. On va mettre la recette de ce petit sandwich made in Sicilia sur le site La Première. Vous me disiez aussi tout à l'heure, Angela, c'est finalement, cette cuisine italienne, c'est une vraie métaphore de l'amour. Oui, parce que, comme vous dites, c'était une cuisine du pauvre, mais c'était finalement une cuisine assez gourmande, assez généreuse, créative, qu'on a gardée aussi. En tout cas, moi, personnellement, j'ai gardé aussi à travers ma mère, qui est arrivée plus tard, qui est une immigrée d'amour, mais, et qui, finalement, m'a appris, avec deux, trois ingrédients, à faire une recette vite fait, en cinq minutes. Donc, quand les gens aujourd'hui disent « oui, mais il faut longtemps pour cuisiner », je suis pas vraiment d'accord. Ça, c'est, il faut y penser. C'est parce qu'aujourd'hui, on pense plus à la cuisine. Ouais. On pense plus à la signification que ça peut avoir. Mais la métaphore de l'amour, c'est vraiment ça. C'est une manière de dire je t'aime. C'est une manière de dire je t'aime. Dans les cultures populaires, on dit pas je t'aime. On dit pas. On dit ça. Hurle beaucoup, ça bouge beaucoup, mais ce n'est pas je t'aime. On dit pas je t'aime. C'est ça. Et donc, du coup, on le fait à travers la nourriture. Ouais. Et c'est le temps qu'on y passe, les ingrédients qu'on a choisis. Et puis, à travers le repas aussi. Par exemple, moi, dans ma famille, on a une culture musicale qui accompagne vraiment les repas. Donc, les repas de fête, on chante souvent, même vous avez une petite chanson, là, comme ça, un truc qui vous... Ah, là, oui, je n'avais pas prévu. C'est Sophie, non. Allez, Angela, je ne peux pas vous croire. Non, parce que c'est cliché. Allez-y, on est dans le cliché. Allez-y, Angela. Angela, je coupe le micro. Laissez-moi réfléchir deux minutes. Je vais manger un petit morceau de... Vous avez vu comme ils sont les Siciliens, quand même. Je vais manger un petit morceau de... Alors qu'on sait pertinemment que lors de chaque repas, vous chantez. Mais il faut que quelqu'un joue la musique. Oui. Alors du coup, c'est l'accordéon et la guitare. Et la guitare. Accordéon, voilà. Guitare. Accordéon. Donc l'accordéon, c'est aussi le piano du pauvre. Oui. Mm-hmm. Rita nous envoie un message, nous disant que donc sa famille était installée dans un charbonnage et que le soir, effectivement, il n'était pas rare d'entendre des guitares. Oui, exactement. Donc il y avait un petit peu d'amour et un petit peu de musique. Ça, qui c'est dégageait toute l'âme. Mais la cuisine, la métaphore de l'amour et la musique, c'est finalement, on vient d'une culture très poétique, mais les gens ne le voient pas spécialement comme ça. Mais moi, j'ai vécu ça comme vraiment une enfance assez poétique et culturellement très chargée qui a marqué mon identité. Ouais. Mais par exemple, ça ne m'empêche pas non plus de ça ne m'enferme pas dans mon monde d'Italien. Ouais. Mais est-ce que les voisins plus wallons, plus belges se sont mis à manger italien, mais ou pas? Est-ce qu'il y avait des échanges vraiment? Ben oui, entre voisins. Oui, entre voisins. Oui. Mais évidemment. Oui. Et des échanges, c'est-à-dire que est-ce que les femmes italiennes ont appris des recettes locales et inversement. Tout ça, c'est rencontré finalement, une jolie rencontre. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit à quel point la cuisine italienne particulièrement bien intégrée à la cuisine bizarrement, du quotidien. Bizarrement, parce que oui, la cuisine italienne s'est intégrée, mais les restaurateurs l'ont parfois un peu massacrée. Mais voilà. C'est un autre sujet, on peut faire deux émissions là-dessus. Voilà. Voilà, en tous les cas, les amis, ce que nous allons faire, c'est que nous allons poster évidemment quelques recettes authentiques de ces familles italiennes venues travailler il y a 70 ans sous nos latitudes. Vous allez voir, c'est du bon, c'est du roboratif et c'est un truc vraiment plein de gaieté, de joie. Angela, en plus, merci beaucoup pour ces jolies dégustations. Bah oui, c'est Nino Rota là, qui nous accompagne. Oui. Carlo, on se retrouve la semaine prochaine en grande forme. On parlera de baies comestibles. De vin aussi. Et d'un vigneron belge absolument Et on va s'énerver un peu sur la mayonnaise. La première, podcast.